Traditions et légendes sur la vie du Messie. Texte de Patrologia Orientalis, 12, 14 et 17. Traduit du Gaspares Grébeau. Les 30 miracles de l'apôtre Jean. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Que la bénédiction et la grâce soient avec ses serviteurs pour les siècles des siècles. 1. C'est le mystère divin que notre Seigneur Messie, Jésus, a exposé à son disciple, l'apôtre Jean fils de Zébédée, avant son ascension dans les cieux, sans se séparer une heure de son Père et du Saint-Esprit, ni même un instant. Il a choisi 12 apôtres, les a fait justes, et leur a révélé ses saints secrets. Il a mis Céphas fils de Jonas à leur tête, lui disant après qu'il fut soudainement ressuscité. Paix, mes brebis. Il lui a donné la primauté sur les apôtres, il lui a révélé ses principes cachés, et il lui a donné les clés du royaume des cieux. Il lui a fait voir le Consolateur, son Esprit Saint, avec son Père qui gardait à toute heure, en sorte que beaucoup de malades étaient guéris par sa prière. Lui de son côté, Mar Céphas, prince des apôtres, a exposé à son disciple Clément tous les mystères que son Dieu lui avait enseignés. Clément en a fait 8 livres célèbres. Puis les apôtres se sont réunis et ont chassé tous ceux qui méprisaient les secrets de Dieu et les divulguaient parmi les païens. Jean aussi a traité des secrets que son Dieu lui avait enseignés dans nombre de livres. Il a déposé tous les livres dans la ville de Rome. Son livre appelé le Livral at Carpha est parmi les livres que le bien-aimé apôtre Jean écrit sur les secrets. Jean dit: j'ai moi-même écrit ce livre qui contient les secrets que m'a montré mon Dieu. J'ai mentionné en lui tous les prodiges que j'ai vus, qui ne sont pas écrits dans mon Sépher, ni dans les livres des évangélistes. Ces derniers ont caché la plupart des miracles qu'ils ont vus, et qu'a fait notre Seigneur Messie Jésus afin que le récit de l'Évangile ne fût pas allongé, car il savait que le cœur des peuples n'accepterait pas ce volumineux exposé à cause de la petitesse de leur foi. Le Seigneur les a cachés à ses anges et à ses prophètes, qu'il révèle présentement aux enfants nés dans la plénitude des temps, comme disent les Écritures. 2. L'élu apôtre Jean a commencé l'exposé du livre où l'Esprit Saint a parlé par sa bouche. Au début de son livre, il dit concernant la divinité: au commencement était la parole. La parole était auprès du Seigneur, la parole était le Seigneur. C'est ainsi au commencement de l'origine, elle était auprès du Seigneur par qui tout a existé, car sans elle rien n'existe. Par elle est la vie, et la vie est la lumière des hommes qui brille dans les ténèbres, et fait voir, les ténèbres ne l'atteignent pas, ni ne s'en approchent. De plus l'Écriture dit: le Seigneur est le plus haut, et son nom est glorieux. Il n'a pas fait le monde comme s'il en avait besoin, comme si la gloire est insuffisante pour lui. Avant que le monde fût créé, il était, et est glorifié par sa gloire nullement petite. Le Seigneur a fait le monde à cause de son amour pour les humains, afin que toutes les créatures connaissent sa puissance, lorsqu'elles verraient l'œuvre qu'il a faite, et qu'il fût glorifié dans sa majesté pour les siècles des siècles, que sa souveraineté et sa puissance fussent manifestes. Le Seigneur béni et élevé a fait les cieux resplendissants, lumineux et élevés, et a placé le trône de sa gloire au-dessus de tout. 3. Par sa bouche il a fait les armées des saints anges pour déclarer la sainteté de son nom et glorifier sa puissance. Il en a fait diverses espèces en plus de rangs qu'il a établis afin qu'il le célèbre par des chants variés. Il a fait la lumière devant le trône de sa gloire. Il a aussi fait le siège portatif de son trône, afin qu'il fût élevé éminemment des quatre anges appelés les quatre animaux. La face du premier ressemble à une face d'humain, la face du deuxième ressemble à une face de lion, et porte le trône à droite. La face du troisième ressemble à une face de bœuf, la face du quatrième ressemble à une face d'aigle, et porte le trône du côté gauche. Il y a des anges appelés chérubim qui ont quatre ailes. Il y en a appelés séraphim qui ont six ailes. Avec deux ailes ils couvrent leur face, pour ne pas être brûlés par la lumière de la gloire du Seigneur. Avec deux autres ailes ils volent, et s'écrient entre eux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth, toi le parfait qui remplis les cieux, et la terre de la sainteté de ta gloire. Il a aussi fait dix groupes de principes d'anges, chacun selon leur degré, et chacun selon leur ordre. Les premiers principes sont par rapport aux autres principes, comme la hauteur du ciel par rapport à la terre. Au premier degré les archanges sont au-dessus des anges spirituels, en plus des principautés où il y a beaucoup de dieux. Puis sont les séraphim aux six ailes, et parmi eux ceux qui glorifient, ceux qui chantent, ceux qui rendent grâce, ceux qui célèbrent, qui bénissent, et déclarent saint le nom du glorieux Seigneur. Le plus haut Seigneur a donné à tous une voix douce afin de chanter, et de le glorifier. Il les a établis lumineux, et élevés. Dix saints archanges entourent son trône glorieux autour du tabernacle de lumière, car ils sont spirituels et saints, c'est pourquoi ils entourent de près le trône de feu de la divine royauté. 4. Un ange appelé Satnaël était principe sur ses archanges, faisant lui-même monter la glorification de tous les anges vers le Seigneur. Lorsque ce maudit eut avec certitude la connaissance d'avoir été créé esprit de lumière éternelle, il se mit dans son intelligence et dit en son âme. Pourquoi rendrais-je ma gloire à un autre? Pourquoi ne serais-je pas moi-même glorifié? Satnaël parla aux anges qui étaient avec lui, et leur dit. Puisque nous avons un créateur, comme vous pensez, nous aussi à présent faisons une autre création d'anges que le Seigneur n'a pas fait dans sa divinité. Lorsque les anges entendirent cette parole, ils se troublèrent fort. Satnaël augmenta plus en rébellion, et dit aux anges. Si nous avons Dieu créateur comme vous dites, il me confondra, et me fera des choix de degré. Les anges se troublèrent de nouveau à propos de cette parole qu'il dit, parole de blasphème qui ne le servit en rien, de sorte qu'il augmenta la révolte qu'il avait débutée en disant aux anges. Ne glorifiez pas d'autre que moi, car à moi appartient la gloire, l'action de grâce, l'honneur, et la majesté, car je suis créateur de tout. Lorsqu'il eut dit cette parole, il fut déchu de sa gloire et de son honneur. Beaucoup d'anges tombèrent de leur degré avec lui. Alors l'ange Gabriel s'écria à voix haute. Tenons-nous chacun dans notre principe, et soyons fermes dans la foi avec crainte du Seigneur, et avec pureté. L'ange de la paix, Gabriel, apaisa la compagnie des anges par sa parole. Tous ceux qui écoutèrent obéirent, et se tinrent avec leurs principes dans leur degré. Ceux qui n'écoutèrent pas la parole de l'ange Gabriel, et n'obéirent pas furent précipités de leur degré, et tombèrent avec le diable. Les anges tombèrent de tous les lieux, et devinrent de nombreux esprits impurs, et de diverses espèces. Parmi eux il y en eut qui tombèrent dans l'air, parmi eux qui tombèrent sur la terre, et parmi eux qui parvinrent au Séol jusqu'aux inférieurs. Ces anges se trouveront à jamais dans le lieu où ils sont tombés. Leur chute eut lieu le sixième jour à la troisième heure. 5. Le Seigneur fit Adam des quatre éléments, à son image, et à sa semblance, et souffla sur son visage l'esprit de vie. Puis le Seigneur planta le paradis des délices du côté de l'Orient, et le Seigneur plaça Adam dans le paradis des délices. Puis le Seigneur fit venir toutes les bêtes, les animaux, et tous les oiseaux qu'il avait faits afin de leur donner un nom, appelant chacun par leur nom désigné jusqu'à ce jour. Puis le Seigneur fit venir le sommeil sur Adam. Comme Adam dormait, le Seigneur prit une de ses côtes, et en fit Ève, et lui donna l'esprit de vie. Adam voyait le Seigneur dans la gloire de sa divinité, et la Sainte Trinité de personnes. Or lorsqu'Adam voyait le Seigneur dans sa gloire, il exultait, et se réjouissait dans le paradis des délices. Le Seigneur commença à ordonner Adam dans le paradis des délices, d'abord parce que le Seigneur savait que Satan qui était tombé de son degré jalouserait, et tromperait. 6. Mange de tous les arbres qui se trouvent dans le paradis, dit le Seigneur à Adam. Mais de l'arbre qui se trouve au milieu du paradis, n'en mange pas, ni ne t'en approche, car certainement tu mourras. Ne me sois pas infidèle en transgressant mon ordre. Si tu veux être à la ressemblance de ces arbres célestes, sache que tu te trouveras dans le paradis à jamais, car moi-même je t'ai créé à mon image et ma semblance. Ô Adam, tu es l'image du Père. Moi-même j'ai planté le paradis dans tous les lieux. Connais le bien et le mal avant qu'il arrive. Ainsi ne t'égale pas à moi, et si tu le penses, tu mourras certainement. Ô Adam, ne désire pas ma royauté, ni mon honneur, car tu ne pourras pas atteindre ma puissance. Ô Adam, ne désire pas ma gloire, que personne n'atteindra. Comprends, ô Adam, de ne pas transgresser mon ordre, afin que je ne t'expulse pas du paradis des délices à la terre maudite. Lorsque Satan eut vu la royauté et la grâce que le Seigneur avait donnée à Adam, il le jalousa d'une grande jalousie. Le serpent était plus rusé que tous les animaux, et Satan vint vers lui demander de lui permettre d'entrer en lui afin de tromper Adam. Le serpent lui répondit, et lui dit, « Fais ce que tu veux. » Et Satan entra en lui qui servit de maison, et le conduisit au paradis. Il appela Ève par la bouche du serpent, et lui dit, « Qu'est-ce que le Seigneur vous a ordonné à toi, et à Adam ton homme ?» Quant à elle, elle lui déclara l'ordre du Seigneur, et lui dit, « Le Seigneur a dit à Adam mon maître, le jour où vous mangerez de l'arbre qui se trouve au milieu du paradis, vous mourrez certainement. » Si vous mangez de l'arbre dont le Seigneur vous a dit, n'en mangez pas, vous ne mourrez pas certainement mais vous deviendrez comme des dieux, et connaîtrez le bien et le mal. C'est pourquoi il vous a dit, n'en mangez pas. Ô toi être, puisque le Seigneur t'a fait après Adam afin de l'établir maître sur toi, et de le rendre plus grand que toi, reçois maintenant de moi un conseil. Et commence par manger de l'arbre dont le Seigneur vous a dit, n'en mangez pas, afin que ta gloire soit grande, et que tu deviennes toi-même le Dieu d'Adam. Lorsque Ève eut entendu la parole de Satan, elle savoura l'arbre en son cœur, et vit qu'il était très beau. Elle en cueillit du fruit, le goûta, et le trouva délicieux. Puis elle apporta, et fit manger à Adam de ce fruit. Lui aussi le savoura. Lorsqu'ils eurent transgressé l'ordre du Seigneur, ils furent dépouillés du vêtement de lumière dont ils étaient revêtus. Ils se cachèrent donc au milieu des arbres du paradis. Lorsqu'ils entendirent le bruit du Seigneur en train de se promener au milieu du paradis, Adam eut honte de se présenter à lui. Le Seigneur lui dit, « Où te trouves-tu, Adam ? » J'ai entendu le bruit, j'ai eu peur, et je me suis caché afin que tu ne me voies pas parce que je suis nu, répondit humblement le pauvre Adam. Tu as transgressé mon ordre en mangeant de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Es-tu ainsi devenu Dieu, comme t'a promis Satan? Voici que la mort est devenue puissante sur toi comme moi-même je t'avais dit, lui dit le Seigneur. Mon Seigneur, dit Adam, la femme que tu m'as donnée pour demeurer avec moi, elle-même m'a trompé, et m'a fait manger de l'arbre que tu m'as interdit toi-même. Pourquoi as-tu transgressé mon ordre ? Dit à Ève le Seigneur. Mon Seigneur, dit-elle, le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. À ce moment-là le Seigneur maudit le serpent. Sois maudit entre tous les animaux. Marche sur ta poitrine, et mange la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre ta postérité, et la postérité de la femme, jusqu'à ce que tous ses enfants brisent ta tête, toi de ton côté tu mordras le talon de leurs pieds. Le Seigneur dit à Ève. Parce que tu as songé en ton âme être au-dessus d'Adam, qui est lui-même au-dessus de toi. Enfante dans la souffrance, et lorsque tu seras enfanté, que ton retour soit vers ton mari, qui te dominera lui-même. Et le Seigneur vient dans son image, et s'attrista sur sa chute, qu'il mit devant lui alors qu'il avait peur. Que la terre soit maudite pour ta cause, lui dit-il, que des épines et des ronces poussent pour toi. À la sueur de ta face, mange ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été créé. Car toi-même tu es poussière, et tu retourneras poussière. Le Seigneur chassa Adam et Ève du paradis en les expulsant, et ferma la porte du paradis. Il plaça à la porte une épée de feu qui flamboie afin qu'Adam ne rentre pas de nouveau, ni ne mange de l'arbre de vie qui y était planté, et ne vive à jamais. Afin qu'Adam n'entre pas avec audace, le Seigneur plaça un chérub à la porte du paradis. Alors que notre père Adam se trouvait dans le paradis, il voyait les trois personnes saintes qui se trouvaient au milieu des arbres du paradis où il n'y avait pas de souffrance, ni tristesse, ni mort. Adam et Ève tombèrent du paradis de l'Éden sur la montagne sacrée, c'est-à-dire la montagne des trésors. Ils étaient chagrinés et tristes lorsqu'ils sentaient l'odeur du parfum du paradis, où ils ne pouvaient parvenir, car il avait mis un mur de feu ardent autour. Il ne leur fut possible de parvenir au paradis, et versèrent des larmes amères. Ils continuèrent à pleurer 100 ans après leur chute du paradis. 7. Puis Adam connut Ève, qui enfanta le juste Abel, et sa sœur. Adam la connut à nouveau, et elle enfanta Caïn, et sa sœur. Lorsqu'ils furent devenus grands, Adam ordonna à ses fils Abel et à Caïn d'offrir les plus belles de leurs brebis grasses en sacrifice au Seigneur, mais Caïn apporta les fruits de son champ qui n'étaient pas agréables. Caïn voulait épouser la femme qui était née avec lui, qui était jolie, mais Adam voulait la marier à Abel, et la sœur d'Abel à Caïn. Adam ne voulait pas marier le frère et la sœur qui avait été conçue le même jour, est née le même jour. Ce fut la cause de la haine de Caïn contre Abel son frère. Lorsqu'ils offrirent le sacrifice au Seigneur, le sacrifice d'Abel fut agréé mais le Seigneur rejeta le sacrifice de Caïn. Caïn fut jaloux de son frère Abel, et le tua. Le Seigneur apparut aussitôt sur un nuage à Caïn, et lui dit, Caïn, Caïn, où est ton frère Abel? Suis-je le gardien d'Abel à ce que je sache? Répondit Caïn avec un cœur dur. Si tu n'es pas le gardien d'Abel, dit le Seigneur, pourquoi l'avoir tué? Deviens tremblant d'épouvante tous les jours de ta vie, lui dit-il pour le maudire. Adam et Ève s'attristèrent 100 ans. Et s'affligèrent fort du meurtre du pur Abel. Lorsque 100 ans furent écoulés suite au meurtre d'Abel, Adam connut Ève. Ils se mirent à procréer jusqu'à ce que naissent les pères purs de la postérité du juste Noé, que le Seigneur a sauvé avec ses enfants de l'eau du déluge. 8. Abraham fut le plus grand des justes patriarches, après la descente de l'eau du déluge. Le Seigneur l'a appelé son bien-aimé. Quant à Isaac et Jacob, nombreuse fut leur postérité, stable pour les siècles des siècles, jusqu'à ce que s'achèvent les 5 jours, et un demi dont le Seigneur avait parlé à Adam lors de sa sortie du paradis en lui ayant dit « Tu demeureras mort dans la terre, et vivant. » L'explication des 5 jours et un demi sont 5 500 ans. Ces années furent achevées depuis la sortie de notre Père Adam à l'époque de la venue du salut du monde entier, et salut à l'esclavage de 7 ans, 7 ans avaient vaincu puisqu'il rendait un culte aux idoles en ayant abandonné le miséricordieux Seigneur. De l'apôtre Jean. Premier miracle. 1. Le Seigneur choisit la Sainte Vierge Marie, doublement vierge en corps, et en esprit, qui était passée dans les reins des purs pères jusqu'à ce qu'elle naisse de son père, et sa mère, juste descendant du saint prophète David, fils d'Isaïe. Lorsque Marie la Vierge d'où nom eut grandi, son père la présenta au temple afin qu'elle servît le Seigneur. Elle grandit avec l'Esprit Saint en demeurant près du Saint des Saints. Lorsqu'elle fut parvenue au stade de femme, on la mit à Nazareth de Galilée. 2. Alors le Seigneur ordonna à l'ange Gabriel qu'il avait choisi, et établi archange, parce qu'il se tenait dans une belle obéissance, à l'origine il était au dernier degré des anges à l'époque de la chute de Satanaël avec ses anges. Il lui dit « Va vers la fille de Joachim qui habite à la ville de Nazareth, et annonce-lui que je l'ai choisie. » Gabriel alla vers la Sainte Vierge Marie le 6e mois de la création du monde. Il se tint devant sa vue, et lui dit « Salut à toi. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Il lui annonce aussi la conception de sa parente Élisabeth qui devait enfanter Yahya le baptiseur. Grand fut l'étonnement de la Sainte Vierge Marie, et elle dit « Qu'il me soit fait comme tu m'as dit par la volonté du Seigneur. » Gabriel retourna d'auprès d'elle à son degré aux cieux. Le sein de Marie la Sainte Vierge se mit à grossir depuis qu'elle eut entendu la salutation de l'ange Gabriel par la grâce de l'Esprit Saint. 3. La nouvelle de sa conception se répandit dans tout le peuple d'Israël, que la Vierge Marie fille de Joachim était enceinte, et ils racontèrent cela à leurs sacrificateurs. Les sacrificateurs discutèrent sur cette nouvelle qui était parvenue jusqu'à eux. Certains parmi eux dirent « Qu'elle boive l'eau de malédiction du bassin que le Seigneur a fait voir à Moïse son serviteur. » À toute femme qui aura forniqué parmi les enfants d'Israël, à qui on fera boire cette eau, son ventre s'ouvrira, et se fendra, et elle périra aussitôt. Les anciens fils d'Israël firent venir Joseph, frère du père de Marie, sous la garde duquel elle avait été confiée, et lui dirent « Amène ta fiancée Marie, fille de ton frère, afin qu'elle confesse devant nous comment elle a conçu, et examiner sa virginité. » Joseph leur obéit, et vint vers la Sainte Vierge, pleurant, et gémissant à son sujet, car il l'aimait fort. Il lui dit « Informe-moi aux filles de Judée de qui tu as conçu, et raconte-moi qui est celui qui t'a séduite. » Elle lui raconta aussitôt. La prenant par la main, il la mena vers les anciens d'Israël. Il leur raconta comme elle lui avait dit. Les enfants d'Israël méprisèrent l'action pour laquelle Gabriel avait salué Marie, et ce qu'il lui avait annoncé, et lui firent boire l'eau de malédiction qui sortait de la montagne. Lorsqu'ils lui firent boire, son visage brilla, et émit de la lumière de la splendeur du soleil du mois de Nisan. Il sortit de la lumière du visage, et de ses vêtements comme des éclairs qui arrachaient les yeux, et brillaient sur la montagne. Lorsque les Juifs qui se trouvaient là virent ce grand miracle par la Sainte Vierge Marie, ils s'inclinèrent et se prosternèrent aux pieds de Marie. Des foules nombreuses crurent à la conception du Verbe dans le sein de Marie, et glorifièrent le Dieu d'Israël qui avait visité son peuple, et avait fait son salut de la maison de David son serviteur, comme il avait dit par la bouche de ses saints prophètes. Alors s'accomplit la parole du prophète David qui dit « Les autres virent, et eurent peur ». Lorsque la Sainte Vierge Marie était parvenue à l'endroit de malédiction, il en sortit une si grande parole, que tous les Juifs qui se trouvaient là furent épouvantés au son de cette parole. Ce fut le premier miracle de la Sainte Vierge Marie lorsqu'elle eut conçu notre Sauveur, sans que fût ouvert le sceau de sa pureté. Notre Seigneur Jésus-Messie fit son prodige, tandis qu'il se trouvait dans le sein de Marie. Deuxième miracle. 1. Lorsque fut arrivée l'époque de la naissance de notre Seigneur Jésus-Messie, un décret sortit du roi César que tous les enfants d'Israël seraient dénombrés, chacun selon leur territoire. Joseph le charpentier, l'époux de la Sainte Vierge Marie, partit de Nazareth de Galilée pour Bethléem ville de David afin d'inscrire son nom avec Marie, fille du frère de son père, qui était de la postérité de David. Arriva l'époque de l'enfantement alors que la Sainte Vierge Marie se trouvait en chemin. Joseph se hâta de la faire entrer à Bethléem où Marie alla dans une grotte. Le jour de son enfantement arrivé,